that's the sound of the police. J'ai entendu un gros boom. Enfin, tout a pété. La police, c'est de la merde. L'armée, c'est de la merde. La justice, messieurs les jurés, c'est de la merde. La religion, c'est de la merde. La patrie, c'est de la merde. Le capital, c'est de la merde. Et à moi, toujours de la merde. Et tiens. Salut, bienvenue à toutes et à tous dans l'émission du magazine Libertaire. Alors ici, on cause d'actualité des luttes, de la France et du monde qui pue, et on va essayer de donner la parole à celles et ceux qu'on n'entend pas ou peu dans les médias d'habitude. Alors le Maglib est diffusé tous les mercredis de 12h05 à 13h30 sur JetFM 91.2 et sur jetfm.fr. Comme nous sommes en direct, vous pouvez nous contacter par téléphone pendant l'émission au 02 28 25 23 88 ou nous envoyer des mails sur notre adresse maglib@riseup.net. Vous pouvez aussi retrouver nos podcasts sur notre site maglib.noblogs.org. Oui, bonjour. Donc aujourd'hui, nous sommes le 2 octobre, donc vous êtes dans le magazine Libertaire. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce qui s'est passé chez Michelin. Nous aurons un billet sur Madagascar, une chronique sur Jacques Chirac et puis des annonces et des appels à se rendre à différentes manifestations. Donc on va commencer par ce qui s'est passé chez Michelin l'an dernier, en 2018. Donc c'est un papier que nous avons trouvé sur le site qui s'appelle Bastamag. Le contact, donc l'adresse du site, c'est bastamag.net. Et du coup, dans ce papier, on peut voir que dans deux des usines Michelin, il y a des salariés qui ont été victimes d'accidents du travail et qui ont été prolongés d'un arrêt maladie. Et ces personnes-là, en fait, elles ont été sanctionnées par la direction parce qu'elles étaient en accident du travail. Et voilà, donc... D'après l'usine Michelin, en fait, il faut faire comprendre aux salariés que c'est très grave de ne pas respecter les consignes de sécurité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ça s'est passé à Blanzy. La première personne, donc, qui s'appelle Xavier, travaillait dans une usine Michelin à Blanzy, en Saône-et-Loire. Il s'est gravement blessé le doigt en manipulant un skim. Donc, le skim, c'est un gros rouleau sur lequel est enroulée la gomme qui sert à fabriquer les pneus. Et du coup, il a reçu une sanction parce que justement, il s'était blessé. L'entreprise dit que c'est très exceptionnel qu'une décision de sanction soit prise à l'encontre d'un salarié ayant subi un accident du travail. Ce type de décision n'intervient que dans de rares cas de non-respect avéré du mode opératoire ou des règles de sécurité. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que Xavier a mis les doigts où il ne fallait pas, entre le rouleau et l'axe autour duquel il tourne. Et dans ce cas-là, selon la direction, il déroge aux règles d'utilisation de la machine. L'accident a eu lieu le 15 octobre 2018. Xavier est alors occupé à approcher le skim. Donc le skim, c'est un gros rouleau qui fait 1,70 m de long, 40 cm de diamètre et qui pèse 70 kg. Et donc, il est occupé à brocher le skim du poste de travail sur lequel la gomme est déroulée pour fabriquer les pneus. Pour manutentionner le skim, qui est vraiment très lourd, on se sert d'un palan, un accessoire de levage pour les charges lourdes. Et mais ce jour-là, le skim est mal équilibré. Pour le remettre d'aplomb, Xavier est récemment débarqué sur le poste de travail, met ses doigts au mauvais endroit. Entre le skim et son axe, donc du coup, il a eu le doigt écrasé. Et il y avait un formateur à côté de lui, parce que Xavier était en formation. Et le formateur qui était à ses côtés n'a pas eu le temps de l'arrêter. Et du coup, Xavier s'est retrouvé avec le doigt écrasé. Quand il retire ses gants, le sang coule abondamment. Il est emmené à l'infirmerie où il est vu par un médecin du travail. Après 2 heures de soins, la pose de strip, donc, et un gros pansement au bout du doigt, il est renvoyé au boulot. La douleur est trop forte et le salarié demande à rentrer chez lui. Une nuit blanche plus tard, Xavier se rend aux urgences. Les médecins l'ont aussitôt renvoyé vers une unité de soins spécialisée dans la main. Il a été soigné pour une fracture. Interrogé sur l'erreur de diagnostic, le médecin du travail, l'entreprise a répondu que, effectivement, le médecin du site n'a pas été en mesure d'identifier l'existence d'une fracture au regard de l'examen externe auquel il a procédé immédiatement après l'accident. Pour le délégué du personnel, c'est une erreur impardonnable. Comment peut-on laisser quelqu'un... Excusez-moi, il faut que je reprenne mon souffle. Comment peut-on laisser quelqu'un souffrir le martyre ainsi pendant toute la nuit? C'est insupportable. De plus, un salarié qui passe par l'infirmerie doit normalement être accompagné. Xavier aurait pu faire un malaise, tellement il avait souffert. Et en plus, il est rentré chez lui, en voiture, tout seul, et il a conduit d'une seule main. Un autre médecin du travail s'étonne, un médecin du travail donc, qui est à la retraite, il s'étonne aussi du comportement donc, du médecin qui est de l'usine, et il dit « mais le médecin aurait dû l'envoyer faire une radio. Par principe, quand il y a un accident du travail, il faut prendre toutes les précautions. » Pour Michelin, le problème est ailleurs. Le salarié n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait. Nous ne pouvons accepter un tel comportement contraire aux valeurs de Michelin et au respect du règlement intérieur. Donc Xavier a reçu un courrier le 19 décembre 2018 et ce courrier le sanctionne d'un blâme. Cela a de réelles conséquences sur l'évolution de la carrière et les augmentations de salaire. Donc les autres salariés et les syndicats sont complètement révoltés par la teneur du courrier qui a été envoyé à Xavier. Comme s'il avait fait exprès de se blesser, ou comme s'il était interdit de se blesser. Et le formateur qui était à ses côtés a été aussi, lui, convoqué par la direction, qui l'a menacé aussi d'une sanction pour avoir laissé Xavier se blesser. Mais alors du coup, il se posait la question, mais comment est-ce qu'on peut espérer qu'il y ait des personnes qui forment d'autres personnes et sans qu'il y ait des erreurs et qui risquent une sanction en fait à chaque fois qu'il y a une erreur commise par la personne en formation. Pour la direction, le salarié était informé du risque. Nous sommes obligés d'être très fermes. La sécurité, c'était très important pour nous. C'est très important pour nous. Et les sanctions étaient exceptionnelles. Notre moyen principal de lutte contre les accidents reste la prévention, l'information et la formation de nos salariés. Le fait de sanctionner les salariés accidentés, en revanche, leur semble très unanimement malvenu. Il semble donc aux syndicalistes très unanimement malvenu. D'autant plus que Xavier est en formation et que la direction enfonce le clou en précisant qu'en cas de récidive, il pourra être licencié. Donc dans le courrier que Xavier a reçu, il est précisé que si vous persistez dans votre comportement fautif, parce que c'est de sa faute évidemment s'il a eu un accident, nous serions amenés à envisager à votre égard d'autres mesures disciplinaires et notamment la remise en cause de votre contrat de travail. Nous croyons que vous saurez en tenir compte à l'avenir. Donc on lui met un peu la pression. Alors, les syndicats, en fait, sont tous indignés qu'un salarié blessé puisse recevoir une sanction. Et du coup, ils ont fait remonter le dossier à l'ensemble de la branche caoutchouc, donc c'est la branche de Michelin où travaillait Xavier, et ils réclament un retrait du blâme. Or, la direction dit n'avoir reçu aucune demande formelle, donc de levée de la sanction pour Xavier. Alors chez Michelin, donc voilà, ça c'était la situation de Xavier. Et donc, chez Michelin, dans d'autres entreprises, donc là, ça se passe du côté de Vannes. En fait, il y a une personne qui a aussi subi le même genre de comportement de la direction. Et la CGT et les autres syndicats disent que la direction est prête à faire n'importe quoi, à mettre la pression, notamment avec des sanctions, pour dissuader les gens de déclarer les accidents et de se mettre en arrêt. Donc, l'autre personne donc, s'appelle Annabelle. Elle travaillait du côté de Vannes. Et la direction lui a reproché d'avoir monopolisé les services de santé de l'entreprise. Elle était mal en point suite à une altercation avec son manager. Et l'employée avait été prise en charge à l'infirmerie. Dans la nuit du 13 au 14 mars 2018, Annabelle avait quitté son poste de travail en larmes et était passée par l'accueil en disant qu'elle voulait mettre fin à ses jours. Alors Annabelle a été reconnue victime d'un accident de travail suite à cet événement et arrêtée pendant près de 6 mois. La salariée a reçu, donc Annabelle a reçu, un courrier le notifiant un blâme. Cette mesure disciplinaire... Donc ça, c'est la lettre, je vous lis un extrait de la lettre qu'elle a reçue. Cette mesure disciplinaire était également justifiée par le fait que vous aviez menti sur le fait de vouloir mettre fin à vos jours et d'avoir monopolisé les ressources du service médical, mais aussi celles du service du personnel afin que nous vous assurions de votre intégrité physique. Donc en fait, il y a une pression sur les salariés. Puis alors, c'est complètement... Si on ne peut plus avoir confiance dans ce que nous disent les salariés. Oui, puis si elle était mal en point, elle cherchait de l'aide. Donc elle est allée à l'infirmerie. Mais alors, le fait de lui reprocher d'avoir menti sur le fait de vouloir mettre ses fins à ses jours, c'est quand même un argument qui peut, je pense, encore plus la démonter. Voilà, ils sont passés. Ouais. Passés dans un autre mode. Voilà. Annabelle avait envoyé un courrier, donc il contestait ce blâme. Et donc, d'après les syndicats, les délégués du personnel, en fait, ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu ça. D'habitude, ils disent que d'habitude, l'entreprise, donc les dirigeants de l'entreprise sont capables de le dire, mais de l'écrire, non. Alors, cette affaire révolte d'autant plus la CGT, parce que ce n'était pas la première fois qu'Annabelle se retrouvait en arrêt maladie pour ce type de situation. Donc, il y a eu une première fois ça remonte en 2014. Annabelle a 52 ans et elle travaille dans l'usine depuis 15 ans. C'est donc pas une débutante. Et les conditions de travail sont parfois difficiles pour une femme dans un milieu très masculin. Les femmes y représentent moins de 10% de l'effectif total. En février 2017, elle a été mise en arrêt pendant 10 mois, suite à des faits de harcèlement moral reconnus comme accident du travail. Elle a alors été réintégrée à son poste, à un poste aménagé, mais elle s'est retrouvée au même endroit avec les mêmes collègues. Elle était encore fragile, comme tous les salariés qui reviennent d'un arrêt pour dépression. Et donc les délégués du personnel, les syndicats, ont quand même signalé que ce n'était pas les meilleures conditions pour reprendre le travail. Et ils se demandent comment une entreprise, quelle qu'elle soit, peut reprocher à une salariée de ne pas avoir mis à exécution son envie de suicide, validant son mal-être au travail. Et nous demandons les syndicats demandent à la chambre patronale d'intervenir envers Michelin pour exiger l'arrêt de tels comportements qui ne reflètent pas ce qu'elle dit. Pas ce qu'elle dit porter dans l'accord de travail de vie au travail. Excusez-moi. Nous demandons à la chambre patronale d'intervenir envers Michelin pour exiger l'arrêt de tels comportements qui ne reflètent pas ce qu'elle dit porter dans l'accord de qualité de vie au travail et encore moins dans le dialogue social. Je ne sais pas si ces personnes ont repris le travail, j'espère qu'elles ont changé d'usine, parce qu'avec des patrons comme ça, je pense qu'elles sortent encore plus mal qu'elles y sont rentrées. Il faut savoir que ça se passe comme ça chez Michelin. Donc vous pouvez retrouver l'article en intégralité dans bastamag.net. Donc Bastamag, c'est Bastamag. On fait une pause musicale avant de passer au prochain billet sur Madagascar. Il pleut, il pleut, il pleut, rentre tes noirs moutons. Notre usine a fermé, disparu les patrons. Envolé les machines, au Maroc ou en Chine. Et nous là, comme des cons, délocalisation. Tu as cherché à faire croire, et y en a qui t'ont cru, que tu serais le sauveur des pauvres et des exclus, qu'on allait en finir avec tout ce gâchis, qu'aucun loup n'entrerait plus dans la bergerie. Il pleut, il pleut, il pleut, voici venir l'orage. Il pleut, il pleut, il pleut, dégage, dégage, dégage, dégage. Tu as fait semblant d'entendre la colère et l'angoisse des métallos lorrains condamnés à la casse. Tu as baratiné aux quatre coins de France des milliers d'ouvriers sacrifiés d'avance. Avec des jolis mots, égalité, justice, solidarité, dans ton sac à malice, tu as soufflé des promesses sur les braises de l'espoir, mais tu les as trahies dès que tu as eu le pouvoir. Il pleut, il pleut, il pleut, et nous avons la rage. Il pleut, il pleut, il pleut, dégage, dégage, dégage, dégage. Des sans droits, des sans voix, des damnés de la terre, des Roms désignés comme bouc émissaire, des clandestins errants aux marches du Sacré-Cœur, aux gamins foudroyés dans un transformateur. Regarde-là cette France que tu as méprisée, celle des sans-papiers, précaires, handicapés, celle des suicidés, harcelés au turbin, forcés de trimer plus pour gagner toujours moins. Il pleut, il pleut, il pleut, tu peux plier bagages. Il pleut, il pleut, il pleut, dégage, dégage, dégage, dégage. Allez, qu'ils s'en aillent tous, rentre tes noirs moutons, tes éminences grises et tes voyous patrons, les gardiens de ton ordre, les faillots de ta cour, et les écrivaillons qui pondent tes discours. Ô ministre zélé, sinistre exécutant, ni oubli ni pardon pour la chasse aux enfants. Abat les lois racistes, abat les circulaires, les contrôles aux faciès pour remplir vos charters. Il pleut, il pleut, il pleut, y aura pas de rattrapage. Dégage, dégage, dégage, dégage. Remballe ton triple A, ta dette et tes marchés, ta bourse et tes traders, tes parachutes dorés. Nous avons rêvé qu'un autre monde est possible, et nous n'acceptons pas d'être des invisibles. Car nous sommes le peuple, celui qui crée l'histoire, fils de 89, rebelles et communards, dont les insurrections ont forgé nos consciences, un peuple qui se lève et entre en résistance. Il pleut, il pleut, il pleut, voici venir l'orage. Il pleut, il pleut, il pleut, tu peux plier bagages. Il pleut, il pleut, il pleut, dégage, dégage, dégage, dégage. Salut, vous êtes de retour sur le magazine Libertaire, sur Jet FM. Eh bien, ça va être l'heure du billet foutraque. Aujourd'hui, petite plongée dans les eaux sombres de notre passé colonial. Direction la grande île de Madagascar, dans laquelle la France s'est rendue coupable d'un des nombreux crimes qui jalonnent sa longue expérience d'asservissement des peuples. Un crime pour beaucoup oublié, pas enseigné, puisque sans intérêt, et pour tout dire, absent des manuels scolaires. peu documenté, avec un seul livre de référence écrit sur le sujet et publié en 1974. Pourtant, nous devrions nous sentir concernés par cette histoire tragique qui date d'un tout petit peu plus d'un siècle, et pas uniquement en tant qu'héritier direct de nos prédécesseurs. En effet, en changeant de nom et de manière, la colonisation n'en a pas pour autant délaissé ses intentions fondamentales, dont nous profitons, béatement, au quotidien, la plupart du temps sans même y penser. À l'heure des nouvelles danses macabres, l'orchestre continue de donner le rythme à un peuple qui ne sait même plus pourquoi il valse au milieu de la piste avec le cadavre de son ancien président. Mais comme la musique ne s'arrête pas, ben, il danse. Ce serait pourtant plutôt le moment de réfléchir, de repenser au temps prétendument révolu où l'Assemblée nationale légiférait sur le rôle positif de la présence française outre-mer et sur ses anciens territoires coloniaux, selon l'article 4 de la loi du 23 février 2005. Bon, après un bon gros tollé politique, l'article en question sera abrogé par décret présidentiel, par un Chirac fatigué et soucieux de s'éviter une tâche supplémentaire dans sa mythologie politique, le bruit et l'odeur accomplissant largement leur fonction pestilentielle. Mais le mal est fait. Les parlementaires français de ce début du XXIe siècle viennent de démontrer publiquement leur désuétude nostalgique, en prouvant qu'ils sont loin d'avoir encaissé la perte de leur colonie, une majorité d'entre elles ayant pourtant obtenu leur indépendance quelques 45 ans plus tôt. C'est le cas notamment de Madagascar, donc, qui aura payé pour cela l'un des plus lourds tributs. Il faut dire que l'œuvre de colonisation de la France n'a jamais vraiment fonctionné sur cette île presque aussi grande que le territoire métropolitain. Bien que réduite à l'impuissance par la force des armées et des administrations françaises, elle demeura perpétuellement en résistance. Tout commence en 1884, avec la conférence de Berlin, lors de laquelle les puissances européennes se mettent d'accord afin de se partager le gâteau africain, tranquillement, plutôt que de se foutre sur la gueule et de perdre du temps. Or justement, les souverains malgaches profitaient depuis déjà plusieurs décennies du désaccord entre les Européens pour maintenir leur autorité sur l'île. Finalement, après quelques tergiversations diplomatiques durant une dizaine d'années, la France décide d'attaquer Madagascar frontalement et de l'annexer purement et simplement en 1895. Un premier mouvement de résistance se forme alors, et quelques mois plus tard, l'île s'embrase. Le général Gallieni est envoyé sur place pour établir l'ordre. Militaire de carrière, baroudeur colonial aguerri, psychopathe notoire, Gallieni a le profil idéal pour la mission que lui a confiée l'exécutif parisien. Très vite, il est investi des pleins pouvoirs, civils et militaires, dont il se fait un plaisir d'user à loisir. Malheureusement, Gallieni n'est pas qu'une brute sanguinaire. C'est aussi un théoricien militaire qui, à Madagascar, va jeter les bases des stratégies de contre-insurrection, qui feront la renommée mondiale, presque un siècle plus tard, de l'armée française, en Algérie notamment. Ici, il va utiliser la politique des races, comprendre, diviser les ethnies pour mieux qu'elles s'entretuent, et donc in fine pour mieux régner, ainsi que la tactique dite de la tache d'huile, à savoir gagner du terrain, progressivement, en avant, tout en prenant bien soin de sécuriser l'arrière, en reconstruisant ce que l'armée a détruit auparavant. En opposition à la politique de la terre brûlée, en quelque sorte. L'idée étant de mater les malgaches sans rendre impropre à l'exploitation le pays censé être colonisé. C'est tout con, hein, mais avant, ils n'y avaient pas pensé. Devenu gouverneur, Gallieni, par une répression féroce, pacifie l'île dans le sang, face à une résistance malgache déterminée mais finalement impuissante. Entre-temps, il généralise le travail forcé. Chaque homme malgache, âgé de 16 à 60 ans, devint s'acquitter du fanompoana, soit 50 jours de corvée par an. Et ouais, fallait bien reconstruire ce que l'armée française avait détruit pour soumettre la population indigène. Logique, implacable. Des observateurs estimèrent dès cette époque que le fanompoana contribua à décimer la population, puisqu'il causa la mort de 20% des travailleurs employés. Les fonctionnaires français utilisant ces corvéables jusqu'à l'extrême limite de leur force. C'était gratuit. Lorsque Gallieni quitte Madagascar en 1905, son bilan est impeccable. Une rébellion matée, une destruction efficiente de l'organisation ethnique malgache, l'installation d'infrastructures modernes, à moindre frais, puisque réalisées par les autochtones, et en prime, l'estimation de plusieurs centaines de milliers de morts malgaches. Le chiffre précis ne sera jamais connu, faute de recensement, sur une population totale estimée à 3 millions d'individus. Du grand art. Mais son passage sur la grande île ne laisse pas que des stigmates de la répression qu'il a organisée. En réaction, les malgaches continuent de s'organiser contre le colonisateur. Des sociétés secrètes se créent un peu partout sur le territoire et seront amenées à jouer un rôle fatidique quelques décennies plus tard. Mais ça, ça sera pour le prochain billet foutraque. En attendant, je vous propose de méditer sereinement sur le rôle positif de la disparition de l'homme en tant que loup pour l'homme. Juste comme ça,

À 4 ans, l'année de son baccalauréat, il dirige le Front populaire et instaure les congés payés. Quelques années après, il étonne ses parents en libérant Paris du joug allemand. 2 mois après avoir découvert le vaccin contre la rage, il devient le premier coureur à gagner le Tour de France 6 fois de suite. Plus rien ne viendra démentir son succès. En 83, Jacques Chirac vend 32 millions d'albums avec Thriller. 84, il invente le TGV et le Minitel. Élu manager de l'année par le Wall Street Journal en 85, 89 et 92. Et prix Nobel de la paix l'année dernière pour son action en Irlande. Voilà, mais non, en fait, Chirac, c'était pas ça. En tout cas, voilà ce dont moi je me souviens de son passage au pouvoir et ce que je retiens. Bon, bien sûr, il y aura pas tout, hein, ça prendrait des heures et des heures, et je suppose que vous en avez soupé d'en entendre parler. Allez, je me lance. 1986, Mitterrand est président de la République. En juin, des élections législatives font basculer l'Assemblée nationale à droite. Le RPR, Rassemblement pour la République, remporte plus de la moitié des sièges et Jacques Chirac devient le Premier ministre. C'est ce qu'on appelle la première cohabitation. Chirac forme son gouvernement et nomme alors son grand ami Charles Pasqua ministre de l'Intérieur. 3 mois plus tard, le même Pasqua et le gouvernement font adopter une loi qui durcit les conditions d'accueil et le droit au séjour des exilés. Le mois suivant, 101 Maliens sont expulsés en charter vers le Mali. 54 d'entre eux ont été embarqués par les flics dans le foyer où ils habitaient, en région parisienne. Ce que j'ai entendu, ils frappent ma porte. Ils disent la police, lève-toi. Je n'ai pas voulu me lever, bon, je regarde mais j'ai dit, ah, ça va pas ça. Ils m'ont dit, lève-toi, on ne va pas vous attendre dans une année, hein, il faut lève-toi. Hein. C'était à quelle heure ça? C'était les 6h03. Du matin? Du matin. Tout le monde dormait alors? Alors là, plein dormir. Est-ce qu'ils ont un mandat de perquisition pour ça, pour dire qu'ils sont venus pour telle ou telle raison, ou ils sont venus comme ça arbitrairement pour faire ce qu'ils ont fait? Pour les mandats, pour eux, entre eux, même peut-être ils ont les mandats, mais entre nous, on n'a pas les mandats. Mais quelle a été votre réaction? Vous qui avez vécu ce moment. Je vois que je n'ai pas de possibilité d'empêcher, mais je ne suis pas content. Et ils ont pris tous les Maliens comme ça? Eh oui, ils demandent, bon, c'est lui qui a des papiers. Bon, il laisse, c'est lui qui n'a pas de papiers, il amène. Ils ont aussi amené des gens qui étaient en situation régulière, c'est-à-dire des gens qui avaient leur carte de séjour bien en règle, qui ont été embarqués dans l'avion. Est-ce que cela ça s'est passé en vérité comme ça? Il y en avait au moins quelques-uns qui avaient leur carte de séjour avec eux, mais les cartes étaient périmées, quoi. C'est-à-dire que ces derniers, ils étaient hébergés, quoi. Ils étaient en période de renouvellement. Ouais. On sait toujours que les Africains, c'est la solidarité, quoi. Bon, alors les gars, ils étaient hébergés par soit leurs frères ou leurs cousins. Bon, comme ils n'avaient pas de domicile, ils ont été à la préfecture de Bobigny pour renouveler leur carte séjour. On leur a demandé d'apporter leur domicile. Ils n'avaient pas de domicile, ils n'ont pas pu renouveler leur carte. Alors c'est dans cette situation que les policiers leur ont trouvé et on leur a considérés comme des clandestins. On retiendra aussi, toujours en 86, la mort de Malikou Sekine, assassiné par la police alors qu'il rentrait chez lui un jour de manif contre la loi de Vaquet. 1988. La campagne des présidentielles bat son plein. C'est toujours la cohabitation et Mitterrand et Chirac se présentent aux élections. Dans un contexte de lutte pour l'indépendance de la Kanaky, le 22 avril, des militants du Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, le FLNKS, s'introduisent dans la gendarmerie Fayaoué sur l'île d'Ouvéa pour l'occuper jusqu'au deuxième tour des élections et exiger l'indépendance. La gendarmerie, qui compte habituellement 3 gendarmes, héberge aussi 28 gardes mobiles supplémentaires, venus en renfort dans le cadre des élections. L'action ne se passe pas comme prévu et une partie des indépendantistes se replie avec des otages gardes mobiles dans la grotte d'Ouvéa. On est alors 2 jours avant le premier tour des présidentielles de 88 et la gestion de cet événement en devient l'enjeu majeur. Début mai, alors que des négociations semblent avoir toujours cours, Chirac et le ministre de l'Outre-mer, Bernard Ponce, ordonnent l'assaut qui débutera dans la nuit du 5 mai, soit 3 jours avant le second tour qui oppose Chirac à Mitterrand. 19 indépendantistes sont tués, certains d'une balle dans le dos alors qu'ils tentent de fuir, d'autres subiront des sévices ou mourront par manque de soins. Des Kanaks parlent aussi d'exécution sommaire. Chirac, qui tente de séduire l'électorat d'extrême droite, se félicite de cette issue et en fera même un des thèmes de son dernier meeting électoral. Nous avons ramené nos otages du Liban. Nous l'avons fait dans des conditions, chacun doit le savoir, qui sont conformes, cela va de soi, à l'honneur et la dignité de notre pays, c'est-à-dire sans l'ombre d'une compromission, sans l'ombre d'une tractation avec quelque groupe terroriste que ce soit, sans aucune contrepartie donnée aux autorités gouvernementales grâce auxquelles nous avons pu obtenir satisfaction. C'est dans cet esprit, et je suis heureux de le dire en face d'André Giraud, notre ministre de la Défense, que nous avons agi en Nouvelle-Calédonie lorsqu'il est apparu clairement que le dialogue ou la négociation ne conduisait à rien si ce n'est à mettre en danger nos otages. Et c'est la raison pourquoi j'ai pris la responsabilité d'une action militaire qui a été réussie, et je voudrais rendre hommage à notre armée et à notre gendarmerie qui a agi avec compétence, avec intelligence et avec dévouement. Donc voilà, c'était le discours de Chirac lors de son dernier meeting électoral en 88. Donc 91 maintenant, et 91 est le discours d'Orléans devant des militants et des militantes et des sympathisants du RPR. On est le 19 juin 91 et Chirac et le RPR se demandent s'il faut durcir encore plus la politique à l'égard des exilés en France. Vous avez déjà toutes et tous entendu l'extrait sur le bruit et l'odeur issu de ce discours, donc on vous épargnera de vous passer à nouveau cet extrait, tellement les propos sont racistes et violents. On va passer directement en 95, et surtout la période 95-2002. Chirac fait une fois de plus campagne pour les présidentielles, son thème de prédilection, la fracture sociale. Une fois élu, il nomme Alain Juppé Premier ministre et s'attaque, entre autres, aux services publics en augmentant le rythme des privatisations. Le gouvernement s'en prend aussi aux retraites des fonctionnaires, aux chômeurs et aux chômeuses, à la sécurité sociale, aux salariés, avec notamment des hausses de cotisations sociales. Il va aussi attaquer les exilés en permettant la confiscation des passeports pour les personnes considérées comme en situation irrégulière sur le territoire, en imposant la prise d'empreinte pour celles et ceux qui demandent un titre de séjour et en restreignant le pouvoir des juges en matière de rétention administrative. Une petite parenthèse s'impose. Je tenais quand même à préciser que quand la gauche est passée au pouvoir par la suite, elle n'est pas revenue en fait, hein, sur ces 10 années et plus de lois racistes promulguées par la droite. Fin de la parenthèse. Donc retour en 95 encore, et un mois après son élection et deux mois avant les commémorations des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, Chirac annonce la reprise des essais nucléaires à Mururoa en Polynésie. 6 essais auront lieu avant que ceux-ci ne soient finalement stoppés, notamment grâce aux luttes des Polynésiens et Polynésiennes. 1996, on est en plein mouvement des sans-papiers quand le 23 août, sur ordre du ministre de l'Intérieur, Jean-Louis Debré, la police défonce à coups de hache la porte de l'église Saint-Bernard à Paris, où logent depuis deux mois des exilés. 300 personnes se font violemment expulser par un millier de flics. 10 personnes en grève de la faim seront emmenées dans un hôpital militaire. Les autres personnes, considérées comme étant en situation irrégulière, sont directement emmenées au centre de rétention de Vincennes par pas moins de 11 bus. Donc voilà, c'était ça Chirac. Et moi, j'aurais plutôt envie de rendre hommage en fait à toutes les personnes qui ont eu à subir ces politiques racistes, ces politiques économiques qui ont mené à encore plus de précarité, ces politiques coloniales, voilà, c'est plutôt à ces personnes-là que j'aurais envie de rendre hommage. Et donc, on vous laisse en musique avant de continuer la suite des programmes sur le magazine Libertaire. Zep.

suite au non-lieu dans l'affaire Rémi Fraisse, tué par les forces de l'ordre il y a 5 ans sur la ZAD du Testet, dans la forêt de Sivens, donc dans le Tarn. Et la famille de Rémi appelle à se rassembler jeudi 10 octobre dès 8h devant ce TGI, donc à Toulouse. En 2014, la forêt de Sivens dans le Tarn était occupée pour empêcher la construction d'un barrage sur la zone humide du Testet. Cette retenue d'eau sur le Tescou dans la forêt de Sivens est toujours contestée par de nombreux et nombreuses militants et militantes et habitants-habitantes de la région. Les 25 et 26 octobre 2014, un week-end festif était organisé pour remobiliser suite à des mois de violente répression auxquels étaient confrontés les occupants et face à la déforestation déjà bien entamée. Déjà, de nombreuses personnes avaient été blessées sur zone et les militants ne cessaient d'alerter sur cette violence qui laissait présager un drame. Donc Rémi, 21 ans, était venu en soutien aux occupants et militants. Il fut tué par un gendarme en pleine nuit, le 26 octobre, sur la zone, par un jet de grenade offensive F1. La justice et les GPN ont été saisis pour enquêter sur ce meurtre d'État. Le gendarme est bien identifié, ainsi que tous ceux qui ont participé à cette mission pour attaquer les festivaliers et festivalières et occupants-occupantes de la ZAD. Mais les magistrats en charge du dossier estimèrent que les charges n'étaient pas suffisantes pour poursuivre le gendarme, ce qui amena à un non-lieu ordonné en janvier 2018. Aujourd'hui, la famille fait appel et nous souhaitons lui montrer notre soutien et notre solidarité en étant à leur côté le 10 octobre au TGI de Toulouse. Tant qu'il n'y aura pas de justice, vous n'aurez pas la paix. Donc ça, c'était un appel donc, de la famille donc, de Rémi Fraisse. Et sinon, il y a aussi un appel donc, pour ce jour-là, à la même heure, du collectif Désarmons-les. Donc, c'est un collectif qui s'est créé en 2012 pour informer sur le désarmement du maintien de l'ordre et combattre les violences d'État et les violences des forces de l'ordre. Donc, il appelle un rassemblement pour dénoncer les violences, l'impunité et le racisme de la police et en solidarité aux victimes à l'occasion de l'audience en appel donc, du non-lieu dans l'affaire du gendarme responsable de la mort de Rémi Fraisse. Voilà. Et du coup, il rappelle que y a, cette année, les drames dus à la police se sont multipliés. Et donc, au début du mouvement des Gilets jaunes, et aussi lors de la fête de la musique à Nantes, entre autres, parce qu'il y a eu d'autres personnes qui sont décédées à cause de la police, par la police, du moins, tuées par la police. Et du coup, on ne compte pas le nombre de blessés. Il s'ensuit toujours un déni de transparence, le mensonge des policiers, des gendarmes et même de l'IGPN, des dissimulations de preuves et une justice très lente qui acquitte. Nous devons de combattre pour notre dignité et pour, chaque policier, pour que chaque policier tremble de peur à l'idée même d'appuyer sur la gâchette, de dégoupiller une grenade ou de procéder à des techniques d'immobilisation mortelle. La solidarité est une arme face à l'impunité de l'État et de ces chiens de garde qui organisent la répression dans les quartiers et dans les mobilisations sociales. Et voilà, donc ils appellent donc aussi à un rassemblement ce jour, le 10 octobre, à 8h, devant le TGI de Toulouse. Et du coup, on a aussi un deuxième papier qui concerne, je ne sais pas si vous vous souvenez de Babacar Gaye, qui a été tué par la police à Rennes, et c'était en décembre 2015. Donc il y aura une quatrième marche commémorative donc, de sa mort. Babacar, donc, c'est une personne qui ce soir-là, cette nuit-là, était très angoissée. Il était d'origine sénégalaise, il n'avait pas de papier. Il était avec un ami et très angoissé. L'ami ne savait pas quoi faire, donc il a appelé les pompiers. Sauf que ce ne sont pas les pompiers qui sont venus, c'est la police, c'est la BAC. Et Babacar avait un couteau dans les mains. Et du coup, ben, la police a tiré. Enfin, la BAC, c'est une personne de la BAC qui a tiré. Et du coup, il a reçu 5 balles, je crois. Donc, il est mort. Ce jour, dans la nuit du 2 au 3 décembre 2015. Et depuis, donc, il y a un collectif Justice et Vérité pour Babacar qui s'est monté, qui cherche à rendre public donc, ce qui s'est passé cette nuit-là et qui cherche des soutiens aussi. Donc, il y aura une marche le 7 décembre. il me semble, je ne retrouve pas le mot, mais oui, voilà, samedi 7 décembre à Rennes. Donc, il y a un appel donc, du collectif qu'on peut lire et des demandes particulières, en fait, que je citerai après. Depuis 4 ans, donc, la sœur de Babacar lutte pour obtenir la vérité sur sa mort. Son acharnement a permis de mettre en lumière de nouveaux éléments remettant en cause la thèse de la légitime défense avancée par le policier de la BAC qui a tiré 5 balles sur Babacar dans la nuit du 3 décembre. Alors effectivement, oui, je n'avais pas dit, c'est qu'en fait, le policier a porté plainte aussi pour mise en danger d'autrui. Contre Babacar. Babacar. Ah ouais. Ouais, voilà. Donc et donc du coup il défend son axe par la légitime défense. Une expertise balistique effectuée en début d'année 2019 est venue confirmer qu'aucune balle n'est arrivée de face, mais qu'une était passée par la fesse gauche. La famille apprendra par voie de presse que l'arme qui a tué Babacar a été détruite en 2018 suite à un tri des scellés et n'a pas pu être examinée pour cette expertise. Cette marche est l'occasion d'éviter que l'histoire de Babacar ne tombe dans l'oubli, notamment parce que le combat juridique reste à mener. Et c'est aussi l'occasion de rappeler l'histoire de plein d'autres personnes qui sont mortes sous les coups ou sous les balles de la police. Nous partageons tous la même détermination, donc tant que nous n'aurons pas de justice, vous n'aurez pas la paix. Étant loin de Paris, nous connaissons des difficultés à orienter le projecteur médiatique, alors que le combat judiciaire et politique mené par Awa, donc c'est la sœur de Babacar, avec le collectif Justice et Vérité, connaît des avancées cette année. Des textes en cours d'écriture vont être publiés prochainement à ce sujet. Nous espérons une présence massive afin de soutenir Awa et le collectif, mais aussi pour entretenir un rapport de force avec les institutions, afin que la vérité soit faite autour des circonstances de la mort de Babacar. Donc, voilà, donc cette première communication a pour objectif de rappeler donc, la date qui est importante. Donc, c'est le samedi 7 décembre à Rennes. On rappellera ici parce qu'on n'a pas encore le lieu ni l'heure. Et de provoquer une réflexion dans vos structures pour nous aider à faire ce que cet événement soit un succès. Alors, il demande, il y a plusieurs points ensuite. Donc, ils disent, comment pouvez-vous nous aider? Est-ce que vous pouvez organiser une soirée d'information à propos du combat d'Awa Gay? Donc, le collectif Justice et Vérité pour Babacar peut se déplacer et participer à une projection discussion dans votre ville afin de raconter l'histoire de Babacar et inviter à la marche du 7 décembre. Est-ce que vous pouvez écrire un texte qui appelle à rejoindre cette marche depuis votre point de vue et le diffuser donc, dans vos réseaux? Et pouvez-vous organiser des covoiturages ou des bus afin de vous rendre présent le 7 décembre à la marche? Et du coup, pour les familles de victimes, parce qu'ils sont en lien avec d'autres familles de victimes, ils demandent à ce que les familles donc, préviennent de la venue et de leurs besoins afin qu'ils puissent organiser leur séjour. Et voilà, ils disent vous recevrez prochainement l'appel à participer à cette marche que nous vous demandons de signer et relayer le plus largement possible. Merci pour votre soutien. On espère vous voir nombreux à Rennes le 7 décembre. Donc voilà, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour organiser des événements, des manifestations dans d'autres villes que Rennes pour que ce qui est arrivé à Babacar se sache, enfin, que, pas que Babacar d'ailleurs, d'autres personnes aussi, mais là... Donc, ils ont... Alors, par contre, je n'ai pas de contact. Je viens de me rendre compte. C'est vrai que j'ai trouvé l'information sur Collectif Justice et Vérité pour Babacar. Et j'ai un blog qui s'appelle justicepourbabacar.wordpress.com. Et je pense que par ce biais-là, vous pouvez trouver un contact si vous êtes intéressé d'organiser des événements ou d'être en lien avec la famille ou d'écrire des textes avec la famille ou enfin tout ce que je viens de citer avec la famille et le collectif donc Justice et Vérité. Donc avant de passer à la suite des annonces, on peut faire une pause musicale.

Pourtant, cela semble être indispensable. Au contraire, il plombe le groupe Accor et pousse à la dégradation des conditions de travail depuis de nombreuses années. Donc voilà, c'était le texte du groupe de soutien aux grévistes. Et donc, ils appellent à soutenir les femmes de chambre en partageant ce message et en venant à la manif et en finançant une caisse de grève. Voilà. Demain, donc le 3 octobre, à 19h, place du Bouffet, il y a un rassemblement contre, en tout cas une mobilisation, contre les violences faites aux femmes. Mardi 3 septembre, le gouvernement lançait le Grenelle contre les violences conjugales, alors que le nombre de féminicides dépassait le chiffre symbolique de 100 femmes tuées depuis le début de l'année. Dans sa déclaration, Édouard Philippe a présenté ce qu'il appelle des premières mesures d'urgence. Si certaines de ces propositions pourraient être des avancées, la majorité sont hors sol et ne rentreront pas en application avant 2020 ou 2021. En outre, le gouvernement ne propose que des mesures en réaction aux violences, mais rien sur la formation, sur l'éducation ou la déconstruction de normes sexistes de leur propre système patriarcal. Pas un mot non plus sur les femmes sans papier, racisées, travailleuses du sexe, trans. Pas un mot sur celles qui sont déjà marginalisées, qui n'ont aucun moyen de dénoncer ces violences conjugales et sexistes. La réponse contre les féminicides et toutes les violences de genre doit être collective et passera par la lutte. Parce que les féminicides ne sont pas des faits isolés et qu'ils s'inscrivent dans un système global qui permet et maintient l'oppression des femmes, nous devons mener un mouvement féministe efficace, radical et effectif. Nous appelons à une première mobilisation nationale le jeudi 3 octobre. Manifestation, 19h, place Bouffet à Nantes. Et c'est à l'appel de l'Assemblée féministe Tout en grève et du collectif d'Action féministe nantais. Alors, nous avons aussi une annonce. Alors là, c'est du côté de Moidon-la-Rivière, donc au nord de Nantes. C'est au maquis du Prêt des Pétroleux. C'est le 5 et 6 octobre. C'est à partir du 5 à 9h. C'est un week-end qui s'intitule « Remettre du queer dans nos métiers techniques ». En France, très peu de collectifs, entreprises ou syndicats, l'artisanat et le bâtiment sont en mixité choisie sans mec, alors que de nombreuses personnes ne se sentent pas en sécurité, simplement ne peuvent travailler avec des gens avec qui le fait de partager leur identité ou orientation sexuelle, non hétéro ou cis, c'est compliqué ou impossible. Donc, à partir de ce constat, nous avons décidé qu'il était temps de s'organiser et réfléchir à nos besoins en tant que travailleurs, travailleuses, amateurs ou professionnels. Notre objectif est de rassembler un maximum de personnes dans un cadre de non-mixité, meufs, trans, PD, gouin, intersexués et plus, afin de faire un état des lieux des réseaux collectifs existants et de réfléchir aux réponses, à nos besoins spécifiques dans ces métiers que l'on fréquente déjà de près ou de loin. Alors, ce programme, donc, c'est le matin, donc il y aura des ateliers de discussion et l'après-midi, discussion. Et définition du réseau et du répertoire. Et la soirée, le soir, il y aura une boum. Alors j'ai dit 5 et 6, mais en fait, je crois que c'est que le 5. Ah non, non, non, 5 et 6 octobre. Voilà. Et du coup, il y a une adresse, un lien donc pour s'inscrire. Parce qu'il faudrait, enfin, les personnes qui désirent aller, il est souhaitable qu'elles s'inscrivent. En fait, par cette adresse-là, donc c'est framaforms.org, framaforms.org, donc /inscription-maquis-des-prétroleuses. Et si vous souhaitez d'autres informations, vous pouvez retrouver cette information-là sur cette annonce-là sur indemedia.nantes. Et l'adresse, donc, c'est à Moidon-la-Rivière. Le lieu s'appelle Au Maquis des Pétroleuses et c'est 3 rue de Laffinerie. Sinon, le 5, tu voulais. Non. Le 5, il y a aussi 5 octobre à Rennes. Donc, à partir de 14h, place de la mairie, se tiendra la première édition de l'Existrans Inter-Ouest. C'est un rassemblement, puis une marche revendicative pour les droits des personnes trans, intersexes et non-binaires. Alors, du coup, moi, ça se passe à Nantes, donc samedi 5 aussi, à 13h. C'est une manif pour la Palestine. Manifestation en soutien au peuple palestinien opprimé par l'État israélien. Donc rendez-vous à 13h, place du commerce, à la croisée des trams. Toujours samedi 5 octobre, là cette fois-ci à 14h. Donc ça se passe à Rennes, c'est une manifestation régionale. 14h, place de la République. Donc la mobilisation des gilets jaunes se poursuit après plus de 300 jours. Ce samedi, des milliers de gilets jaunes étaient toujours présents dans les rues. L'acte 47 est un appel à soutien pour tous nos camarades emprisonnés et inculpés. Montrons au gouvernement que la répression ne nous fait plus peur. Donc, dans les rues comme dans les prisons, le mouvement continue. Des centaines de procès sont encore à venir. Ne lâchons rien. Retrouvons-nous dans les espaces de lutte pour organiser des actions contre la justice et la prison. Voilà. Alors, la dernière annonce, ça se passe du côté de Montreuil, du 30 septembre au 6 octobre. C'est en cours, là. Il y a le festival des cantines autogérées. Donc, rue François Deberg à Montreuil. Donc, c'est le métro Croix de Chavaux. Ces dernières années, les systèmes d'oppression capitaliste, raciste et patriarcaux se font de plus en plus offensifs. Ils menacent fortement les conditions de vie des populations, mais aussi les possibilités de s'organiser et lutter ensemble, que ce soit à travers les violences sociales, des politiques d'austérité, les violences raciales, quotidiennes et meurtrières, la reproduction des violences de genre, la répression des mouvements de lutte, etc. Face à la précarisation croissante, face à la répression et l'exclusion, il nous semble nécessaire de créer et renforcer des espaces d'auto-organisation partout où les systèmes d'oppression se font sentir, et notamment dans les quartiers populaires, les zones rurales, les quartiers visés par la gentrification ou l'exclusion et les espaces de lutte. Basés sur des pratiques collectives, égalitaires, solidaires, sur la coopération volontaire, l'échange et le partage, l'autogestion a été et reste un moyen de lutte contre les dominations. Elle permet de lutter ensemble et constitue surtout un formidable moyen d'émancipation. Donc, ainsi, du 30 septembre au 6 octobre, à La Parole Errante, à Montreuil, nous organisons un rassemblement autour de la cuisine collective militante. Donc, c'est le festival des cantines autogérées. Nous souhaitons co-organiser avec tous et toutes celles et ceux qui le souhaitent différents temps de rencontres autour de la cuisine collective en tant qu'outil au service des luttes. Nous souhaitons aussi construire des formes de solidarité entre les cantines, créer et entretenir un réseau national et œuvrer à la possibilité d'alliance entre les luttes. Nous souhaitons enfin soutenir partout une forme de projet basé sur la cuisine collective au service des luttes. Donc il y aura des ateliers collectifs, pratiques et théoriques, des échanges et mutualisations, des discussions, présentations donc, avec historique de l'autonomie des luttes de l'immigration et des quartiers populaires, les cantines populaires de la commune, etc. Des interventions artistiques, des concerts, des expos, du théâtre. Donc le programme détaillé est en cours de finalisation. Je pense que maintenant, il doit être fini parce qu'on est en plein dedans. Et en fait, donc, on peut le trouver sur le site de La Parole Errante. Donc, c'est laparoleerrantedemaintoutattaché.org. Et du coup, nous invitons celles et ceux qui seraient intéressés pour participer, proposer des interventions, contribuer d'une manière ou d'une autre à cet événement, à contacter donc... les personnes donc, qui ont mis en place ce festival à Festival Cantine, cantine au pluriel, at riseup.net. On passe à un morceau de musique. Thank you. Donc, vous êtes toujours dans l'émission du magazine Libertaire. On arrive à la fin de cette émission. On vous souhaite une bonne semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure sur Jet FM. Donc, mercredi, midi 5, 13h30. À bientôt. Pas mieux. Allez, ciao. Ciao.